deuxième temps de notre histoire de l'esclavage dans la Fabrique de l'Histoire à l'occasion d'un colloque qui se tient en fin de semaine aux Archives nationales à Paris sur la patrimonialisation de l'histoire et de la mémoire de ce même esclavage. Après avoir hier évoqué les ambiguïtés, et oui, il y en a, de la mémoire et de l'histoire de l'esclavage au Bénin avec Gaetano Ciarcia, et avant demain de nous promener dans le Mémorial Act de la Guadeloupe, ce monument qui vient d'être inauguré par le président de la République très récemment, nous allons ce matin nous demander quelles sources, dans quels lieux également se sont patrimonialisées justement l'histoire et la mémoire de l'esclavage. Nous le ferons avec Séverine Attard qui a préparé cette semaine avec nous, et nous recevrons Myriam Cotias, elle est historienne, directrice de recherche au CNRS et présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Également avec nous, nous aurons Pascal Liévaux, il est conservateur en chef du patrimoine et vous dirigez donc le département de la recherche à la Direction générale des patrimoines au ministère de la Culture. Et Sarah Abel, qui participe elle aussi à ce colloque dont je parle depuis le début de cette émission. Elle est chercheuse au CERES, qui est doctorante en anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Et vous participez également à un réseau de recherche international européen qui s'appelle Eurotast. Et que veut dire Eurotast? European Transatlantic Slave Trade. Donc, on est totalement dans le sujet de ce jour. Bonjour Séverine Attard. Bonjour à vous Sarah Abel. Bonjour Pascal Liévaux. Bonjour. Et bonjour à vous Myriam Cotias. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette semaine sur l'histoire de l'esclavage. C'est assez curieux, chaque fois qu'on parle d'esclavage dans la Fabrique de l'Histoire, ça ne nous arrive pas si souvent que ça. On a, et c'est aussi le cas d'ailleurs pour d'autres sujets traumatiques, la Shoah ou d'autres sujets comme cela, on a des mails d'auditeurs qui nous disent « arrêtez de nous parler d'esclavage, on en a trop parlé, on en parle trop, etc. » Vous avez cette impression, vous aussi, qu'on en parle trop de l'histoire de l'esclavage, Myriam Cotias? Alors, on en parle peut-être mal, je dirais. C'est gentil pour nous quand on en parle. Non, mais je veux dire, on en parle mal dans l'espace public, dans le ton qui est adopté pour parler de l'histoire de l'esclavage. Et je pense que c'est plutôt ça qui fait problème que le sujet en lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que on est encore dans un discours qui est positionné entre victime et puis... D'accord. Voilà. Et ça énerve, c'est ce que vous voulez dire. Et ça énerve une partie de nos concitoyens. Ça énerve parce que ça empêche d'accepter l'histoire de l'esclavage comme histoire de France et comme élément constitutif de l'histoire de France. Et d'autant que quand on fait de l'histoire, effectivement, on s'aperçoit qu'on sort de la mémoire, souvent d'ailleurs. On prend appui sur la question mémorielle parce que c'est important, mais on en sort parce que, évidemment, on édulcore la question que l'on est en train de traiter et que souvent, effectivement, on met à jour les ambiguïtés. C'est ce que nous racontait hier Gaetano Ciarcia. C'est ce que nous racontera peut-être Sarah Abel dans un instant. On met à jour les ambiguïtés de cette mémoire. On recherche un ancêtre esclave et puis paf, on tombe sur un ancêtre esclavagiste. Pas de bol. Oui, les sociétés esclavagistes sont très complexes. Et c'est surtout ça qu'on doit retenir, c'est cette complexité. Mais je voudrais aussi dire que ce qui a changé ces derniers temps, c'est la façon d'écrire l'histoire. C'est-à-dire que vraiment, depuis les années 70, on est passé à une écriture de l'histoire par le témoin, par le témoignage. C'est ce qu'on a cherché. Et ce qui fait que des associations aussi se sont saisies de cette mémoire de l'esclavage, puisque le témoin saisit la mémoire et non l'histoire, et que donc des associations ont émergé, elles se sont imposées dans l'espace public, elles incitent aussi à réécrire l'histoire, mais avec cette tendance, ce positionnement du discours qui est un discours qui est extrêmement revendicatif et qui peut poser problème pour son inscription dans une communauté nationale et dans l'espace public. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, enfin on entend, et jusqu'à l'inauguration du Memorial Act, par exemple dans le discours de Victorin Lurel, ce genre d'institution est nécessaire pour réconcilier l'histoire et la mémoire, comme s'il y avait cette permanente opposition entre mémoire et histoire, tout en sachant aussi très bien que cette histoire, en tous les cas, elle a été écrite de manière pas du tout neutre jusqu'à une certaine époque, oui. Hein, au 19e siècle, au 20e siècle. Oui, l'histoire a des outils scientifiques dans son écriture. La saisie de l'archive, la citation de l'archive pour appuyer le discours scientifique, mais on sait bien qu'on n'est pas dans un discours neutre et que là aussi les positionnements ont changé au cours du temps et que justement maintenant on est dans cette recherche de traces de l'esclave. C'est-à-dire qu'on est passé de l'histoire de l'esclavage à l'histoire des esclaves. Mmh. C'est le changement heuristique qui est le plus important de ces dernières années. L'histoire de l'esclavage, c'est-à-dire de ses institutions, de ses mises en place. Oui, l'histoire de l'esclavage. Des textes juridiques, etc. L'histoire de l'esclavage en tant que système. Voilà, c'est ce qu'on a décrit jusqu'à présent. Maintenant, on est en train de passer à un niveau plus fin d'analyse qui est permis justement par la mémoire. On retrouve l'individu, on essaye de le retrouver. Et cela, effectivement, ça n'est pas très éloigné d'autres processus, et on sait très bien comment l'histoire de la Shoah elle-même a évolué à peu près de façon parallèle, en s'intéressant non plus aux masses des gens qui avaient été déportés, exterminés, mais également à chacun des individus composant justement ces masses, en l'occurrence, et c'est ce que vous voulez dire. Et cela, ça nous vient d'où, Myriam Cotillas? Est-ce que c'est endogène? C'est l'histoire en train de se faire en Europe autour de ces questions-là? Est-ce que la question, évidemment, des Afro-Américains, de la vision américaine de ces questions-là, a aussi profondément aux États-Unis changé la donne et a interpénétré avec nos processus à nous? Non, je dirais plutôt que le changement est lié précisément à l'histoire de la Shoah. C'est-à-dire comment comprendre cette horreur de l'histoire. Et on pouvait la comprendre justement en retrouvant la parole des victimes. Et c'est ce grand changement qui va faire que finalement on va appliquer cette recherche de la voix de la victime à un ensemble de sujets historiques, dont l'esclavage. Je pense que c'est comme ça que qu'on peut le lire. Mais tout de même, c'est difficile parce qu'on voit à la fois ressurgir dans le champ public une question majeure, celle de l'esclavage, devenir l'instrument des politiques publiques, des politiques locales, des collectivités territoriales, etc. Et en même temps, on fait de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a en même temps, d'un côté, le travail des historiens, qui, lui, doit être libre, libéré de toutes ces contraintes-là, tout en tirant parti aussi. Et puis, de l'autre côté, les instrumentalisations politiques de ce même travail, qui sont quasi immédiates. C'est pas compliqué, ça, quand on dirige, par exemple, le comité que vous dirigez, Myriam Cotillas? Il faut surtout en avoir conscience de cette instrumentalisation et de ces différents niveaux qui sont saisis. Mais je voudrais quand même dire que le travail de l'historien n'est pas éloigné du travail de réflexion qu'il doit faire sur la mémoire de l'esclavage. Bien sûr. On n'est pas dans l'opposition entre ces deux. Ça se nourrit l'un l'autre. Mais simplement, les instrumentalisations sont quasi concomitantes et donc à partir de ce moment-là, eh bien, on est toujours sommé, j'imagine, de prendre position, de dire quelque chose, enfin de prendre la parole dans l'espace public. Et on voit bien comment sur ces questions-là, c'est compliqué, Myriam Cotillas. Oui, tout à fait. Mais on a ce rôle en tant qu'historien de diffusion, de transmission. Ça aussi, la position de l'historien a changé. Je pense. On est plus actuellement dans une position d'historien citoyen, c'est-à-dire qui participe au monde. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision de l'historien que je défends. Je ne suis pas du tout dans une vision autarcique ou retiré dans sa bibliothèque. Voilà, l'historien n'est pas dans une monade qui doit pas communiquer avec le reste de la société, au contraire. C'est Brignata. En tout état de cause, quand on regarde un petit peu le cheminement de ces renouvellements historiographiques, on voit bien qu'il y a quand même une nouvelle impulsion qui est donnée avec la loi Taubira en 2001, la création donc du comité d'histoire et de la mémoire de l'esclavage, et puis à cela suit évidemment la question des institutions publiques et une institution par exemple comme les archives nationales. Donc ça c'est pour vous, peut-être plus Pascal Liévaux, et la question du patrimoine. Comment l'État et les institutions culturelles qui évidemment se préoccupent d'histoire vont réamorcer, je ne sais pas si on peut parler de réamorçage, une dynamique de recherche et de patrimonialisation des sources, de l'esclavage. Pascal Liévaux. Et je pense notamment aussi à la mise en place d'un guide des sources concernant l'esclavage, qu'il faut mobiliser des équipes et des archivistes. Guide des sources qui a été publié dès 2007 par les archives de France et qui évidemment a sans doute beaucoup contribué à stimuler la recherche sur ce sujet. Mais de tout temps, le patrimoine a été un support de l'histoire et bien sûr est constitué d'objets qui forment autant de sources pour l'historien. Si on prend l'exemple des archives, c'est tout à fait évident. Mais plus récemment, l'archéologie a beaucoup œuvré dans ce sens sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et tout à l'heure, Myriam Cotias disait très justement qu'on était passé d'une histoire de l'esclavage à une histoire de l'esclave. Et de ce point de vue, les objets qui ont été découverts à l'occasion de fouilles archéologiques, que ce soit sur des sites de cimetières d'esclaves ou sur des sites de villages d'esclaves marrons, ont beaucoup apporté à la connaissance de la vie des esclaves. Il fallait les recenser. Il y avait cette idée de recensement, parce qu'elles existent, ces sources, on a compris. Et il y en a énormément. Il faut les recenser, il faut les identifier. Il faut les identifier. Et par exemple, dans le domaine du patrimoine monumental, bien des édifices qui sont aujourd'hui considérés comme des édifices patrimoniaux pour de toutes autres raisons, historiques, artistiques, esthétiques, ont en fait joué un rôle majeur dans cette histoire. Mmh. Et de ce point de vue, nous avons convié à s'exprimer dans le cadre du colloque qui se déroulera aux Archives nationales. Jeudi et vendredi. C'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde. Il vaut mieux s'inscrire sur le site de l'Institut national du patrimoine. Mmh. Et bien sûr, l'entrée est gratuite. Un historien anglais... INP.fr, je le dis. Voilà pour nos auditeurs. Allez-y, continuez. C'est ça. Un historien anglais qui travaille pour English Heritage et qui a mené une recherche tout à fait intéressante sur une relecture des grandes demeures patrimoniales britanniques à la lumière de l'histoire de l'esclavage. Une relecture qui a donné lieu ensuite à la mise en place de parcours et de toute une médiation pour le public sur cette question. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans ce que vient de dire Pascal Liévo, Myriam Cotias, c'est qu'en fait, ce travail et cette relecture permet de revoir les mêmes sources, mais de façon totalement différente. Ces sources existaient, or pendant très longtemps, on a dit, il n'y a pas grand-chose sur les sources de l'esclavage. Les esclaves ne laissent pas de traces, et au bout du compte, on n'aura pas grand-chose. Or, en fait, aujourd'hui, quand on s'y met sérieusement, on voit qu'il y a énormément de sources, qu'il y a un travail possible, mais qu'également, de façon patrimoniale, on peut se repromener, pas simplement dans La Rochelle, Saint-Malo, ou Nantes, ou Bordeaux, mais on peut se repromener de façon différente en imaginant et en réfléchissant à cette question de l'esclavage, aller voir les manoirs qui peuplent la Saintonge, l'Aunis et le Bordelais, le Médoc, pour pouvoir y réfléchir de façon nouvelle. Oui, bien sûr. Je voudrais insister sur le fait que la loi du 10 mai 2001 est extrêmement importante dans ce sens-là. Dite loi Taubira. Dite loi Taubira. Première loi Taubira, on devrait dire. Elle est importante parce que justement, elle pointe le fait que la question patrimoniale est très importante, que la question de l'enseignement de l'histoire de l'esclavage l'est également. On voit bien combien ça fait des débats encore aujourd'hui à propos des programmes du collège. Oui, exactement, si ce n'est que dans la réforme du collège, la nouvelle réforme, la question de l'esclavage et de la traite atlantique et dans l'océan Indien est une question obligatoire. Donc là, on a fait vraiment un pas, en fait, de mon point de vue. D'aucuns y ont vu une sorte de repentance, il faut absolument pas rentrer dans ce débat-là, parce que sinon on relance cette opposition et c'est des fractions nationales qui n'ont pas lieu d'être. Simplement, acceptons l'histoire de l'esclavage dans son importance pour l'histoire de France. Donc dites-vous, la loi Taubira 2001, c'est essentiel parce que ça permet de quoi d'amorcer un nouveau travail, une nouvelle lecture, un nouveau regard. Ça crée une sorte d'obligation, alors on me reprochera ce terme-là, mais une obligation pour les institutions, pour les archives aussi, de s'intéresser à cette question-là. C'est-à-dire de la mettre en question prioritaire, je ne sais pas quelle a été la formulation exacte, mais en tout cas de demander à ce qu'il y ait un travail spécifique qui soit fait. Donc ça, c'est le premier point qui me permet d'impulser en fait ces recherches qui ont été vraiment magnifiquement menées par par la direction de la recherche du ministère de la Culture, par les archives, et c'est un travail qui est encore en cours, parce que comme vous le dites, les archives, on peut les lire de différentes façons. Et on voit bien comment, au cours des siècles, d'une certaine façon, les historiens arrivant avec leur sensibilité, arrivant avec leur questionnement politique aussi, parce qu'ils sont totalement pris dans leur société, vont relire les archives de façon différente. J'en donnerai un exemple, qui est cette ouverture d'un champ historiographique assez majeur ces dernières années, concernant la voix des esclaves, qui est la relecture des procès qui ont été faits dans les sociétés coloniales et qui permettent de retrouver la voix des esclaves. Dont on disait qu'elle avait disparu. Ils ont laissé très peu de souvenirs, ils ont laissé très peu de mémoire, et donc au bout du compte, que peut-on savoir de ce qu'était le quotidien, la pensée, comment peut-on entrer d'une certaine façon dans l'univers mental d'un esclave du XVIIe ou du XVIIIe siècle? On ne peut pas, et donc au bout du compte, on se disait c'est une impasse historiographique. Or, ce que vous dites, c'est que des nouveaux travaux permettent justement de sortir de cette impasse historiographique. C'est-à-dire que l'historiographie française avait aussi un problème, c'est qui était que dans l'espace anglo-saxon, il y a beaucoup de récits de vie d'esclaves, alors qui sont des récits liés à l'histoire de l'abolitionnisme, mais toujours est-il qu'il y en avait beaucoup. Or, en France, il n'y en a pas eu. Donc, d'où cette idée que c'était impossible de retrouver la voix de ces esclaves, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Sarah Abel, puisque vous travaillez dans un groupe de recherche international européen qui s'appelle Eurotest, qui veut dire donc European Transatlantic Slave Trade, vous avez connaissance justement de ces différentes vitesses auxquelles évoluent les historiographies. Oui, on évoque l'histoire donc telle qu'elle est faite aux États-Unis, ces questions des mémoires qui sont plus nombreuses que chez nous, des esclaves, mais aussi cette précocité, pourrait-on dire, dans l'archéologie des anciennes plantations, par exemple, qu'on peut trouver aussi bien du côté de la Virginie, chez Jefferson, que dans d'autres endroits, qui permettent de savoir exactement quelles étaient à la fin du XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution américaine, les conditions de vie des esclaves. Tout cela, vous en avez connaissance, et ça montre aussi qu'on ne peut pas faire une histoire de l'esclavage et sous bulle, d'une certaine façon, totalement séparée de ce qui se passe ailleurs. Oui, justement, dans Eurotest, mon réseau de recherche dont je fais partie, on a vu depuis les années 90 une nouvelle... Enfin, des nouvelles technologies, pas nécessairement traditionnelles, qui permettent de révéler de nouvelles données sur les vies et les conditions des esclaves. Par exemple ? Les analyses génétiques. Ça a été une des nouvelles technologies qui a fait plus de bruit, disons, dans les sciences dures. Mmh. Et aussi, ça commence à être un phénomène un peu social aux États-Unis en particulier. Mais je voudrais dire qu'il y a, à chaque fois, chaque année, on voit plus de technologies, plus de pratiques de recherche qui promettent de révéler plus d'informations sur plusieurs aspects de la vie des esclaves. Par exemple, c'est là où on pourrait poser la question de c'est quoi l'identité qu'on voudrait révéler. Est-ce que c'est juste ce que faisaient, ce que disaient, ce que pensaient les esclaves, ou est-ce que c'est aussi qu'est-ce qu'ils mangeaient, quelles étaient les conditions de vie matérielles. Oui, voilà. Et en plus, il y a cette question qui est très présente dans ce moment aux États-Unis, c'est la question des origines géographiques et entre guillemets ethniques des esclaves, ce qui est quelque chose que je regarde dans mes recherches. On va en parler dans un instant avec vous de ces questions-là, parce que c'est tout à fait passionnant ce que vous allez dire dans ce colloque de jeudi et vendredi prochain, donc aux Archives nationales à Paris, Sarah Abel. Mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, Myriam Cotillas, à aller au-delà de certaines idées reçues, c'est-à-dire, par exemple, sur les conditions matérielles de travail des esclaves, à rentrer véritablement dans ce qu'était une plantation, une économie de plantation, quelles étaient les marges de liberté que l'on laissait aux esclaves à l'intérieur de cette économie de plantation, soit à Saint-Domingue, soit dans les territoires du sud des États-Unis, ça n'était pas les mêmes, et dans d'autres endroits en Amérique latine, par exemple. Et donc, à incarner, on sait qu'on a vu récemment 12 Years a Slave, donc le film de Steve McQueen qui tentait de reprendre justement cette question-là à bras-le-corps, si je puis dire, parce qu'il y avait l'incarnation par des acteurs de cette condition de vie. Voilà, est-ce qu'on, ça n'est pas difficile d'aller au-delà de quelques une des idées reçues et de s'apercevoir que dans certaines plantations, les conditions des esclaves n'étaient pas les mêmes que dans les plantations voisines et qu'il n'y avait pas une loi générale qui s'appliquait à tous les esclaves, par exemple. Oui, mais l'historien est un scientifique. Mais ça, il est habitué aussi à ça, voilà. D'une certaine manière. Il est habitué, en fait, à repousser, en fait, les frontières de la connaissance. C'est la devise du CNRS, d'ailleurs. Mais il est aussi habitué à ne pas adopter des idées reçues. Enfin, il doit au contraire aller au-delà. On est d'accord. Au-delà et montrer toute la complexité de la relation esclavagiste. C'est une complexité infinie qui justement permet de poser des différences entre les plantations, de poser des différences entre les statuts des esclaves. Il y a des esclaves qui travaillent la terre, mais il y a des esclaves aussi qui sont des serviteurs. Il y en a d'autres qui sont à la ville, qui se louent, dont le maître loue la force de travail et qui rapporte cette location au maître. Donc multiplicité réellement de statuts dont il faut rendre compte. L'enjeu principal derrière tout ça, c'est quand même de montrer que l'être humain n'est pas réductible à une chose. C'est ça, c'est montrer que l'être humain conserve toujours sa dignité. À la fois, la difficulté du sujet, c'est cette situation complètement protéiforme, mais en même temps, à la fois donc des mémoires individuelles, mais aussi qui sera dans une mémoire collective, mais qu'on peut mettre aussi au pluriel. C'est des mémoires collectives, et c'est peut-être dû à cela, la difficulté justement de travailler sur ce sujet, qui de plus s'étend sur 4 siècles, concerne 3-4 continents. Ça paraît effectivement énorme. Non, mais vous avez raison de dire que la question de l'esclavage doit être historicisée, c'est-à-dire montrer que c'est pas un continuum comme ça dans l'histoire et qu'il y a eu des moments de rupture, des événements extrêmement importants. La révolution de Saint-Domingue, elle est capitale pour le système esclavagiste. Et aujourd'hui, des gens comme Manuel Covo ou d'autres, ils travaillent à rendre compte justement de combien cette révolution a bouleversé même tous les milieux esclavagistes du monde entier. Du monde entier. Comment ça a été une sorte de flamme de liberté pour les esclaves qui étaient au courant, parce que ça c'est aussi un enjeu de voir comment les informations circulent et comment les maîtres aussi avaient cette peur d'un soulèvement des esclaves. Pascal Liévaux, est-ce qu'il n'est pas difficile quand on discute au ministère de la Culture avec toutes les institutions qui doivent travailler justement autour de ces questions-là, justement de rendre compte de cette complexité, c'est-à-dire quand une collectivité territoriale, quand un département, une région, une ville veulent créer une section dans un musée autour de cette question-là, imaginer un monument commémoratif, comment faire en sorte que ce caractère protéiforme dont on parle, faire des choix archivistiques j'imagine, voilà, faire des choix, pour pouvoir justement rendre compte de cette complexité, alors que souvent les messages doivent être simple, aller à l'essentiel. Est-ce que ça n'est pas compliqué, justement, quand on est en débat, en discussion autour de ça, Pascal Liévaux ? Effectivement, c'est un défi. Et précisément, une manifestation comme celle que nous organisons va nous permettre de prendre un peu de recul face à tous ces processus de patrimonialisation qui sont extrêmement complexes, qui sont portés aussi bien par des associations, puisque les citoyens et en premier lieu les personnes concernées par cette histoire sont très impliquées dans l'identification, la mise en valeur, la transmission de ce patrimoine. Et je pense particulièrement au patrimoine culturel immatériel, qui est un élément fort dans dans ce domaine, mais aussi les collectivités territoriales qui ont très bien saisi l'enjeu de cette question, et bien sûr le rôle de l'État. Ensuite, il s'agit de faire confiance aux professionnels du patrimoine pour mettre en discours ce patrimoine, en s'appuyant bien sûr sur les très importantes recherches qui ont été réalisées par les historiens depuis ces 20 dernières années. Oui, mais on sait très bien que dans une même ville vivent des descendants d'esclaves et puis des descendants de gens qui ont pratiqué le commerce triangulaire, par exemple sur le territoire métropolitain. Donc quand on est un élu, c'est assez compliqué de s'en débrouiller. C'est-à-dire on fait un monument commémoratif comme à Nantes. Comment rendre à la fois grâce aux uns et puis de l'autre côté ne pas oublier les autres, sachant que ce sont des électeurs que l'on a des deux côtés. Je sais pas, vous souriez, Myriam Cotia, ça vous dit quelque chose, ça? C'est tout de même compliqué. C'est-à-dire que c'est ce qui fait surgir dans l'espace public ces débats. Mais pourquoi toujours la repentance, pouvoir toujours se battre la coulpe, etc., etc. Oui, mais j'en reviens à ce que je disais précédemment. C'est-à-dire que c'est le positionnement du discours qui pose bien problème, sûr. Là. C'est pas tellement le fait de reconnaître l'histoire de l'esclavage. C'est de dire, on reconnaît l'histoire de l'esclavage et vous, vous êtes responsable de cette histoire-là, ou alors vous, vous êtes victime. C'est plutôt ça, le hiatus qui est à régler, me semble-t-il. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Il y a un mais... Un extrait donc de Joseph de Boulogne. De Boulogne dit le chevalier Saint-Georges. Voilà un exemple de résurgence patrimoniale, mémorielle, etc. Donc puisque il avait été quelque peu oublié, ce chevalier de Saint-Georges, jusqu'au moment où on a décidé à Paris, par exemple, de rebaptiser une rue de son nom, rue qui avait été auparavant dédiée à une personne qui avait maté la rébellion en Haïti, le général Richepanse. Donc il s'agit d'un rondo, extrait du concerto en sol majeur. Donc dirigé par František Preissler, donc de Joseph de Boulogne, dit le chevalier de Saint-Georges. Alors, avec vous, Sarah Abel, dans ce colloque qui se déroulera jeudi et vendredi prochain, et auquel on engage nos auditeurs à se rendre donc aux Archives nationales, à Pierrefitte, donc métro, donc université de Saint-Denis, en l'occurrence, eh bien, vous allez intervenir sur un cas très particulier. Vous l'avez abordé de façon très brève tout à l'heure, à savoir la question des recherches ADN. Ça fait partie effectivement du patrimoine, et là, en l'occurrence, il s'agit du patrimoine génétique des individus. Donc, des recherches ADN que mènent, en particulier aux États-Unis, mais pas seulement, ceux qui veulent savoir de quel esclave, d'une certaine façon, ils sont descendus. Vous nous racontez cette histoire-là dans cet article et dans cette communication que vous allez donner donc en fin de semaine aux Archives nationales. Et c'est tout à fait passionnant, Sarah Abel. Bon, bah oui, justement, je voudrais reprendre quelques phrases qu'a dit Myriam tout à l'heure, parce que puisqu'on parlait tout à l'heure de cette... nouveau phénomène de l'historien citoyen, c'est justement ça que je vois dans mon projet, et c'est aussi cette idée des traces de l'esclave. Donc là, ce qu'on imagine avec ces tests, c'est que l'ADN, ça fait d'une façon un artefact biologique qui nous permettrait de retracer les mouvements et les origines des esclaves. Donc c'est quelque chose qui, on suppose, existe en chacun de nous. Mm-hmm. Et donc, on serait soi-même sa propre archive, d'une certaine voilà, façon. Voilà, c'est ça. On trimballerait avec soi l'histoire de sa lignée, et donc à partir de là, on pourrait remonter, comme de façon presque mécanique, jusqu'à son ancêtre africain qui a été chargé sur un bateau d'esclaves, donc pour venir soit à Cuba, soit dans les îles, soit aux États-Unis. C'est ça. Donc, mais évidemment, c'est pas exactement si simple que ça, parce que comme c'est curieux. avec tout document, toute archive, il doit avoir un processus d'interprétation. Donc, si pour les documents, il y a les historiens qui vont essayer de lire entre les lignes pour comprendre plus sur ce qui n'est pas dit. Avec l'ADN, il faut avoir des généticiens qui sachent lire, exactement. Et là, les généticiens, j'ai des amis généticiens, je les connais très bien, ils sont de bonnes personnes, mais ils ne sont pas des historiens. Ouais. Donc là, le paradoxe... Mais ça voudrait dire que d'une certaine façon, contrairement à une archive, c'est ceux qui croient qu'une archive parle d'elle-même d'une certaine façon. C'est la même chose que quand on sort une archive et que sans interprétation, on pourrait immédiatement la comprendre, elle est là, et ça serait la même chose avec un test génétique, ça parlerait de soi-même. C'est ça, mais en même temps, aux États-Unis, en ce moment, il existe un marché de tests génétiques dits d'ancestralité. En anglais, c'est Genetic Ancestry Tests. Mais là, il y a une gamme de produits de différentes entreprises qui, évidemment, offrent des différents produits. Un peu comme on fait des tests de grossesse, on peut rentrer dans un drugstore et avoir des tests d'ancestralité, c'est ça? Pas exactement. Normalement, ça se vend en ligne. Donc, oui, c'est quelque chose d'un peu moins matériel peut-être, mais oui, c'est ça. Il y a une gamme, donc normalement, les consommateurs peuvent y aller sur les sites web des entreprises et choisir exactement ce qu'ils veulent. Et justement, une des premières entreprises aux États-Unis, c'était une entreprise qui s'appelle African Ancestry, qui était créée justement pour offrir des tests commerciaux aux descendants d'esclaves pour leur offrir la possibilité de trouver les origines de leurs ancêtres. Alors, pas de chance, parce que vous racontez dans votre communication que vous donnerez donc en fin de semaine aux Archives nationales, Sarah Abel, que certains ont eu de, entre guillemets, mauvaises surprises. C'est-à-dire qu'en fait, ils partent pour imaginer qu'ils sont là, descendants, effectivement, de telle ou telle communauté. On leur donne le test génétique, on leur dit vous appartenez à tel peuple africain, comme s'il n'y avait pas eu de changement depuis un siècle ou deux dans la génétique de ces populations. Et puis, ils partent à la recherche de ça. Qu'est-ce qu'ils découvrent quand ils arrivent sur le territoire qui est le leur, soit le Niger, soit le Bénin, soit d'autres territoires comme cela? Ouais, il y a plusieurs histoires très... instructive, je dirais. En 2003, il y a eu un documentaire anglais du BBC qui s'appelait Motherland. Donc, il y avait quatre descendants d'esclaves antillais de nationalité britannique qui ont fait ces tests au cadre du documentaire. En fait, c'était avant de l'existence des premières entreprises aux États-Unis. Il existait quelques entreprises en Angleterre, mais c'était pas vraiment connu. Donc, il y avait ces quatre personnes qui ont fait des tests, et un d'entre eux a su que ils lui ont expliqué qu'il partageait de l'ancestralité avec un groupe qui s'appelle les Kanouri du Niger. Donc voilà, il est parti, il est allé retour des origines. J'ai retrouvé mes ancêtres. Voilà. Et la première chose qu'il a trouvé, c'est que évidemment, il y avait des barrières de langue. Il réussissait pas très bien à s'expliquer à ses cousins génétiques, entre guillemets. Et la première chose qu'on voyait dans le documentaire, c'était lui qui essayait d'expliquer son histoire personnelle, pourquoi c'était vraiment un voyage émotionnel pour lui. Et voilà, il avait une ancêtre maternelle qui était partie il y a des siècles. Et il y a un traducteur qui traduit de manière très approximative, qui dit oui, voilà, donc c'est un type de Londres. Sa grand-mère, elle est sortie il y a quelques décennies. Ils sont devenus riches et voilà, il est revenu pour nous voir. Donc et je pense que lui, il savait pas exactement ce qu'il disait. Enfin, il essayait de se débrouiller, mais ça démontre un peu le décalage. L'ambiguïté. Le décalage aussi entre les attentes des descendants d'esclaves qui vont revenir et les lacunes peut-être ou les oublis, cette pratique de l'oubli dans d'autres communautés qui reconnaissaient pas du tout le but. Affectif de son voyage. D'autant qu'on peut apprendre qu'on appartient à un groupe. Alors ce groupe, il était large, il était complexe, dans lequel il y avait des gens qui faisaient le trafic de captifs. On part avec l'idée qu'on se retrouve soi-même comme descendant d'esclaves. Et puis en fait, le groupe que l'ADN nous désigne et les généticiens nous désignent comme étant notre groupe, eh bien, on s'aperçoit que non, c'était plus complexe parce qu'à l'intérieur de ce groupe, il y avait peut-être des captifs, mais il y avait aussi, puisqu'il y a des gens qui se sont retrouvés de l'autre côté de l'Atlantique, mais il y avait aussi des gens qui faisaient les raptes, qui organisaient les razzias et qui organisaient le trafic d'esclaves. Donc là, on a un problème de conscience assez complexe que vous décrivez en l'occurrence Sarah Abel. Et avec cet homme dont on parle, c'est exactement ce qu'il a trouvé. Il a même fait une cérémonie pour prendre un nom africain, et c'était que après qu'il a connu cette histoire que le groupe lui a raconté l'histoire de ses ancêtres qui étaient des esclavagistes renommés. C'était des personnes qui allaient vendre des captifs africains, et là il avait du mal à savoir quoi en faire. Et en fait, c'est une vraie question. Si la génétique peut nous donner ces indices, c'est pas impossible. Je pense qu'il y a eu des groupes où il y avait des personnes qui avaient ce rôle de chercher les esclaves, de marchands, vendre des de marchands, et en même temps des personnes qui étaient du côté des captifs. Mais en même temps, on peut pas savoir quelle est l'histoire sans l'histoire. La génétique, ça suffit pas. En tous les cas, ça pose cette question de la mémoire partagée, enfin de cette nécessité d'aller chercher ses racines, de partager quelque chose collectivement, alors qu'on voit bien que c'est une mémoire qui est diffractée, enfin qui est éclatée et qui correspond pas forcément à ce à quoi on peut s'attendre. On voit ça aussi avec les afrodescendants qui viennent des États-Unis, par exemple à Ouida, au Bénin, à la rencontre de leurs ancêtres. Et là aussi, ça pose des problématiques. Je pense que c'est la question de la morale qu'il faut évacuer. C'est-à-dire, c'est le jugement que l'on va porter sur des faits historiques. Ah oui. Il est absolument essentiel de se départir de cette position. Oui, mais c'est tout à fait... Ça, c'est une position historienne que vous défendez, Myriam Quatias. Mais le descendant d'esclaves. Quand on est descendant d'esclaves ou quand on est un citoyen normal et que l'on va à la recherche de quelque chose que l'on voudrait, entre guillemets, d'une identité, c'est plus compliqué de s'en départir. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne le fait pas avec une démarche de pur historien. On le fait d'autres raisons, d'une certaine façon. Mais je pense que ça dépasse la position de l'historien, ce que je dis. Ah oui. C'est-à-dire, c'est considérer que ses origines sont complexes et que tout peut arriver. C'est ce que connaissent les généalogistes en général. Et c'est ce que connaissent les généalogistes. Et si vous n'avez plus de position morale, vous pouvez accepter cette conflictualité des mémoires d'une certaine façon. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez porter en vous, qu'on pourrait juger bon ou mauvais. Vous voyez? Donc c'est vraiment une question qui dépasse la position de l'historien. Mmh. C'est se dire qu'il n'y a pas d'un côté et qu'on n'est pas comptable de cette histoire d'une certaine façon. On en est l'héritier, mais on n'en est pas le comptable. La résultante de cette complexité, oui. Oui, Sarah Abel, d'ailleurs, vous dites que dans ces tests génétiques aux États-Unis, il y a aussi ceux qui découvrent ce qu'ils ne voudraient pas découvrir, que dans leurs ancêtres, il y a justement un esclave où ils sont des blancs a priori dans la société américaine. Et puis, à tel ou tel niveau de leur généalogie, le test montre que ils ne sont pas que des blancs. Il y avait aussi un endroit dans la branche qui était plus ancienne, un esclave qui est passé par là Et ça, on n'a pas forcément envie de le savoir non plus, dites-vous, Sarah Abel. Oui, exactement. Oui, je veux dire que les tests que j'ai mentionnés tout à l'heure ne sont pas les seuls tests. Mm-hmm. Donc, il existe d'autres entreprises qui offrent des produits, je dirais, plus généraux, plus globaux, qui permettent d'avoir une espèce de portrait génomique de son ancestralité qui vient en forme d'un diagramme en camembert avec les proportions d'ancestralité de plusieurs différentes régions. Donc là, ce qui se passe avec quelques personnes qui font ces tests, c'est de recevoir les résultats en pensant qu'on va trouver qu'on est 100% européen, peut-être de racines irlandaises ou je sais pas quoi. Mmh. Et voilà, il y a un tout petit pourcentage peut-être de l'Afrique. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, il y a des personnes qui n'y pensent pas, qui vont juste dire que c'est peut-être une erreur statistique, voilà. Mais je veux dire que c'est pas toujours le cas. Il y a des personnes qui essaient de savoir quelle est la racine de ce pourcentage inattendu. Mais une autre éventualité, c'est de ne pas avoir ça dans ce portrait génomique, mais de se connecter avec quelqu'un parce que avec ces tests, il existe des communautés en ligne des utilisateurs des tests qui ont la possibilité de voir toutes les personnes avec lesquelles ils partagent un segment de génomique. Donc voilà, des fois il y a des généalogistes qui utilisent ça pour essayer de se reconnecter avec des descendants des ancêtres en commun. Et ça arrive des fois d'avoir des généalogistes afro-américains qui essaie de se mettre en contact avec les descendants des maîtres, des esclavagistes. Et là, il y a parfois des malentendus, des personnes qui ne voudraient pas répondre aux messages parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment ça serait possible d'avoir des parents afro-américains qu'on ne connaissait pas dans l'histoire. Mmh. C'est donc tout à fait passionnant votre travail de recherche, Sarah Abel, et on pourra vous écouter donc à 17h15 jeudi après-midi dans ce colloque qui s'ouvre jeudi matin et qui dure jusqu'à vendredi soir aux Archives nationales à Pierrefitte sur Seine, donc en Seine-Saint-Denis. Pascal Diébeau, ce programme est très vaste, il y a énormément de propositions puisque, je sais pas, il doit y avoir à vue de nez au moins une trentaine et peut-être même plus de communication autour de cette thématique. Ça veut dire qu'il n'est pas difficile aujourd'hui, quand on organise un colloque comme celui-ci, de mobiliser un certain nombre de chercheurs autour de cette question de la patrimonialisation. Il y a suffisamment à dire, suffisamment à faire, suffisamment de gens qui sont au travail pour pouvoir organiser deux grosses journées de colloques sur ce thème-là. Il y a suffisamment à dire, surtout si on adopte un point de vue international qui s'impose sur ce sujet. Et pourquoi il s'impose, ce point de vue international? Du fait de l'histoire même, ouais, qui est transcontinentale. Et on a tout intérêt en France à s'inspirer d'expériences qui ont pu être menées, notamment aux États-Unis, d'expériences muséographiques, mais aussi au Brésil. Il y a l'exemple de la Whitney Plantation, par exemple, la question de la Louisiane, donc qui vient d'ouvrir, qui est tout à voilà, fait c'est récent. Ibrahim Assek qui viendra en parler dans le colloque vendredi matin. C'est quoi, par exemple, cet exemple-là qui permet d'éclairer d'autres types d'exemples que l'on pourrait voir appliquer sur le territoire français? Eh bien, c'est la mise en valeur patrimoniale d'une plantation particulièrement bien conservée, dont les bâtiments sont toujours présents, qui est aussi un mémorial à l'esclavage et qui présente les conditions de vie des esclaves et qui se nourrit au plan scientifique d'enregistrements qui ont été faits de descendants d'esclaves dans les années 30-40 qui témoignent de la vie dans ces plantations. Et donc ça permet d'avoir à la fois une archive sonore ancienne, des témoignages physiques que l'on peut voir en allant visiter le lieu, et de faire un travail là aussi d'histoire, Myriam Cotias. Oui, c'est, Et là, justement, la Winter Plantation, je pense qu'elle est symptomatique de ce changement heuristique dont je parlais tout à l'heure, le passage de l'histoire de l'esclavage à l'histoire des esclaves, parce que c'est une mise en valeur incarnée. Enfin, c'est-à-dire que il y a des esclaves représentés par, je pense que c'est Ousmane Sow qui a travaillé avec eux. Donc, on voit les esclaves dans leur lieu de vie et en train de travailler et en train de souffrir. Et la question, la dimension de la violence, vous faisiez allusion à 12 Years a Slave tout à l'heure, qui vraiment insiste sur cette dimension essentielle de l'histoire de l'esclavage. Là, elle est incarnée, c'est-à-dire qu'on voit des têtes coupées, enfin, on n'évite absolument pas la question. Mmh. J'aimerais juste constater que là, ce qui me semble remarquable de ce musée, c'est que ce n'est pas un projet national. Là, c'était vraiment l'idée de, je pense que un individu qui, c'était même pas, je pense, sa maison ancestrale. Et là, je pense que là, ça renvoie encore à cette question de l'historien citoyen du fait que ça vient pas nécessairement de l'État, mais plutôt de la population, enfin, des citoyens. Je crois que c'est Christine Chivallon qui, entre autres, qui dans un article justement avait fait une étude sur les musées plantations et qui montrait que généralement ce qui était survalorisé, c'était la maison de maître, parce que c'était la maison qui restait, c'était la belle maison, le mobilier. Et par contre, il n'y avait rien qui disait la question de la vie des esclaves, leur situation. Oui, elle a travaillé sur les Antilles françaises. Et c'est vrai, alors le Mémorial Act, je ne l'ai pas encore vu, donc je ne connais pas son contenu. On en parlera demain dans l'émission. Oui, mais jusqu'à présent, c'est vrai que c'était un récit élégant du passé qui était fait de l'histoire de l'esclavage dans les Antilles françaises. C'était la maison de maître, c'était les bâtiments sucriers, mais rien sur les esclaves. C'était Joséphine de Beauharnais, quoi. Oui, Joséphine de Beauharnais. Non, mais oui, ça. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y avait ce musée aux Trois-Îlets en Martinique. Effectivement, donc là, il va y avoir aussi des changements, j'imagine, dans la muséographie dans les Antilles françaises, qui va être posée. C'est-à-dire qu'on va réinvestir les esclaves, on va les remettre dans l'histoire. Mais jusqu'à présent, ça correspondait aussi à un rapport à l'histoire de l'esclavage dans les Antilles françaises, c'est-à-dire le fait que la question politique était celle de la République et que la République posait ce point zéro à partir de l'abolition de l'esclavage et on construisait la société à partir de ce moment-là. Donc une impossibilité de se ressaisir du passé esclavagiste alors que tous les rapports sociaux sont fondés sur cette relation esclavagiste et sur ces hiérarchies raciales qui se sont construites au sein de l'histoire de l'esclavage. Donc c'est un paradoxe. Et là, il y a une rupture, et c'est toujours la même problématique sur des sujets comme l'esclavage. C'est-à-dire, il y a une rupture avec la chronologie traditionnelle du roman national républicain français. Enfin, et ça fait partie aussi des choses à... Ce roman national qui doit être réinvesti par l'histoire de l'esclavage et par l'histoire coloniale. Mmh. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de vue cet objectif républicain que l'on a en France. Mais on le réinvestit de ces deux événements historiques, enfin de ces deux facteurs, sans que ça perturbe le roman national, alors qu'on veut nous faire croire que ça pourrait le perturber. Donc, oui, et ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est de voir que au moment des grèves du LKP, par exemple, c'était donc en 2008 ou 2009, une des grosses discussions, c'était justement la présence physique, pourrait-on dire, dans les discussions qui étaient théoriquement des discussions liées à l'économie de l'île, de la question de l'esclavage. Et je crois que l'entourage de Yves Jégot, qui était ministre des Outre-mer à ce moment-là, a été extrêmement surpris de voir que la discussion avec les syndicalistes ne portait pas sur l'augmentation ou la baisse du prix de l'essence, mais pas simplement en tous les cas, mais sur cette mémoire de l'esclavage qui, pour un métropolitain d'un ministère parisien, était une question réglée depuis un siècle et demi. Donc on voit bien qu'il y a des différentes temporalités, qu'il faut jouer avec ces temporalités-là, Myriam Cottias. Bien sûr, et qu'il ne faut surtout pas éviter l'histoire, je dirais. Et c'est ça le plus gros enjeu. Oui, ça, c'est, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Non, c'est vraiment le gros enjeu, parce que c'est ça quand même qui structure une société ou qui explique, qui donne des clés pour expliquer une société. Or là, ces clés autour de la racialisation des sociétés antillaises n'étaient pas assez pris en compte. C'est-à-dire qu'elles étaient de l'ordre du non-dit, voilà, et non pas de l'explicite. Et là, on Or, passe tant qu'on n'est pas passé à l'explicite, dénonciation, à la phase dénonciation. Oui, qui est essentielle. Alors, ce colloque qui commence jeudi et qui se termine vendredi soir aux Archives nationales autour de la question de patrimonialisation de l'histoire, de la mémoire de l'esclavage, du local au global. Donc, on y trouvera à la fois vos interventions, Myriam Cotias, mais également on y parlera du Bénin. On en a déjà parlé hier dans cette émission avec Gaetano Cercia, mais également on y viendra sur le Memorial Act. D'ailleurs, un auditeur me demandait avant même de commencer l'émission. Ça veut dire quoi ce acte avec des Action. Majuscules et des majuscules là, et des minuscules? Parce que c'est vrai que c'est assez étrange cette histoire. Bon, c'était l'idée de mémoire en action. Hein. En tous les cas, c'est ça se veut un mémorial, un musée, un lieu de promenade, un lieu de recherche d'information vraiment qui tourné vers l'avenir. Hein, c'est le grand discours, Myriam Cotias. Et c'est pour ça qu'il y a ces trois lettres en majuscule et cette lettre en minuscule, un ACT en majuscule et un E et en minuscule. Voilà, c'est mémorial, mais il y a un accent sur le E, mais ouais, il ne devrait pas y en avoir. Enfin, c'est à la fois. Bon, j'avoue que je n'ai pas tout saisi. Et alors, on essaiera de le comprendre en écoutant votre documentaire et votre balade sonore, donc réalisée par Séverine Cassard, dans l'émission de demain. Mais dans ce colloque, Thierry Létang, qui est chef du projet scientifique et culturel du Mémorial Act, sera présent également. On y parlera des routes de l'esclave, de Mozambique. Sarah Abel, on l'a déjà dit, sera présente. Et puis, également toutes les questions qui sont, Pascal Liébeau, autour du patrimoine vivant, parce qu'effectivement, il n'y a pas simplement le patrimoine physique, il y a aussi toute la question de l'immatériel et du patrimoine vivant. Oui, nous avons souhaité, dans le cadre de ce colloque, marquer le fait que ce patrimoine est vivant, dans sa dimension immatérielle notamment, avec des pratiques sociales, telles que le gros cas de Guadeloupe, qui a été inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial, avec bien sûr l'accompagnement du ministère de la Culture l'année dernière. Et puis le Maloya en 2009, le Maloya de La Réunion, qui est aussi qui provient de champs d'esclaves. Donc tous ces aspects culturels vivants. Et la dernière partie du colloque sera consacrée à la présentation d'œuvres par des artistes, photographes, chorégraphes, écrivains, qui montreront que cette histoire de l'esclavage aujourd'hui est source d'inspiration pour les arts. Et c'est ce qu'a voulu d'ailleurs le Memorial Act, on le verra aussi demain, puisque dans la salle d'exposition permanente se mêlent donc des documents historiques d'archives avec des œuvres justement artistiques, plastiques, contemporaines. Merci Séverine Yata. On écoutera avec beaucoup d'intérêt votre balade dans ce Memorial Act inauguré il y a maintenant une dizaine de jours par François Hollande, donc entre autres, et Victor Lurel, chef d'État africain, des Caraïbes. Voilà. Et donc dans une réalisation de Séverine Castard. Merci à vous Sarah Abel d'être venue avec nous. Merci Pascal Liévaux et merci à vous Myriam Cotias. Myriam Cotias, si on veut en savoir plus sur le comité que vous dirigez, on va sur le site, il y a un site et on sait toutes les manifestations qui sont liées effectivement à ce comité de mémoire et d'histoire de l'esclavage. Voilà, on a créé cette année un mois des mémoires de l'esclavage et des combats pour l'égalité, www.cnmhe.fr. Merci encore à tous. Cette émission a été préparée comme d'habitude par Marie-Vonne Abolivier, Aurélie Marcet, Bruno Gagnère-Fontani était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Vous pouvez écouter cette émission ou la réécouter en allant sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr.